La question, le Graal est-il au Québec? Non, c'est celle de la première partie. As-tu beaucoup de questions? Oui, c'est toute la même. Le Graal est-il au Québec? Le Graal est-il au Québec? Le Graal. Où est le Québec? Mais vu que je réponds toujours ajusté au. Qu'est-ce que le Graal? Je vais répondre à tout différemment à chacune des questions. J'ai tenté la rédaction d'un testament notarié incluant les 500 prochaines années. Or, au Québec, il n'est plus possible de faire un tel testament depuis 1917. Je suis limité à 3 générations pour des raisons dites économiques. Je me suis dit alors que pour instruire les prochaines générations de mon retour possible parmi eux, je créerais une légende à mon sujet. Qu'en dis-tu? On peut simplement faire mieux que ça. Les lois sont toujours faites pour être contournées parce que les lois sont faites par l'humain. C'est que le moindrement qu'on se connecte un petit peu, on contourne. Dans votre testament, vous faites simplement un testament pour 9 générations. Vous faites 3 testaments de 3 générations. Puis dans votre testament, vous dites à la 3e génération de rouvrir ce testament-là. Puis l'accomplir. Puis ça fait partie de la 3e génération, ils sont obligés de le faire. Alors en partant, ça va être... C'est un peu comme, vous savez, quand on ouvre une bouteille sur le bord d'une plage, là, je ne vous dirai pas quelle plage, puis là, il y a une espèce de génie qui sort de là, puis il a 3 vœux. Moi, j'ai toujours rêvé que ça m'arriverait un jour, puis il me dirait, Daniel, tu as 3 vœux. Quel est ton premier vœu? Moi, je dirais, mon premier vœu, c'est d'avoir la capacité de faire tous les vœux comme toi. C'est mon premier vœu. Après ça, je dirais, bon, ben voilà, c'est fait. Ton deuxième, je n'ai plus besoin de toi, votant. Ah, maintenant, je peux faire comme lui. Je ne suis pas limité à 3 vœux, je ne suis plus limité du tout. Mon premier vœu, c'est d'être comme toi, mais pas dans la bouteille, tu sais, mais de pas faire comme toi. Ça ne t'arrivera pas non plus. Mais je racontais du monde qui était dans la bouteille, mais je n'ai jamais voulu sortir. C'est son alcoolique. Alors donc, là, c'est ça, tout ce qu'il faut faire. La meilleure chose à faire, c'est de ruser simplement, faites un testament. Une légende, c'est bien compliqué parce que la légende, pour qu'elle soit renforcée, qu'elle soit puissante, qu'elle soit forte, elle doit être soutenue par une population. Sinon, la personne devrait être capable d'avoir énormément de puissance dans l'astral pour être capable, en voyage astral, de structurer des choses dans la lignée familiale. Elle devra faire de la recherche généalogique et colorer un peu, retrouver des armoiries, c'est un peu compliqué. Mais on fait un testament, disons qu'on refait un testament, c'est ça, puis après une ou deux ou trois générations, ben, ce qu'on ordonne à la 3e génération, c'est d'ouvrir le 2e papier. Si on fait bien notre travail de conscientisation actuellement... On mourra pas comme... On n'aurait pas nécessairement besoin de 3 générations non plus. Et là, maintenant, là, tu parles comme moi, là, je parlais comme toi. Ouais, mais la pauvre personne, là, elle, là, qui pense qu'elle a réussi puis qu'elle a manqué son coup, là... Ça c'était mieux qu'elle fasse ça. Tu sais comment c'est plate de me faire interviewer par toi des fois? Oui, c'est vrai. Tu vois, je suis capable de rien dire, là. C'est ça. Non, c'est correct. Effectivement, la personne qui évolue. C'est sûr que. Si alors, personne... je répondrais comme toi, tu me répondrais. Ben oui, évidemment, je sais bien. Là, je dirais, bon, ben, arrange-toi pour faire ta job là, puis tu mourras pas. C'est ça, c'est en plein ça. Arrange-toi pour faire ta job là, puis tu mourras pas. C'est que si on sent les individus capables de comprendre certaines choses, là, il y a un moment donné un temps où l'humain est capable de comprendre suffisamment, donc de conscientiser suffisamment de choses chez elle pour être capable justement d'exprimer au maximum le Graal, donc d'exprimer l'intelligence supramentale, puis elle devra parvenir, elle est capable. L'humain, souvent, il pense toujours que c'est dans 2, 3, 4 vies. Mais à force de penser que c'est dans 2, 3, 4 vies, c'est sûr, c'est toujours dans 2, 3, 4 vies. Bon, à un moment donné, c'est le temps. Il y a énormément d'humains présentement qui ont la génétique suffisante pour être capable d'arriver à un contact supramental, donc être totalement en mécanique de création de double éthérique, finalement même avoir une fusion, c'est-à-dire s'immortaliser, pour par la suite s'éterniser. Mais pas dans l'évolution, hein. Si on voudrait le pousser, je voudrais pousser plus loin. Une petite chose. Oui. C'est que quand je parle de préparation génétique, c'est que souvent, vous regardez ce que vous exprimez psychologiquement pour savoir, là, pour connaître la valeur de ce que vous êtes. Suis-je évolué? Je suis chialeux, je suis ça. C'est les génétiques qui déterminent si on est évolué ou pas. Et c'est pas ce qui se réincarne. Ce qui se réincarne va aider ou va nuire. Donc, la personne, souvent l'individu, il se regarde, puis il regarde ce qu'il a fait comme comportement, puis il regarde sa vie, la vie immédiate qui est passée. Puis là, il se dit, peut-être que je suis pas capable, ou encore je suis trop âgé, ou je suis trop jeune, ou je suis trop ceci, ou je suis trop cela. C'est une question de support neuronique et endocrinien. C'est pas une question de support psychologique. C'est évident que normalement, une personne qui est bien structurée du point de vue endocrinien et neuronique sera une personne structurée psychologiquement, mais ça n'empêchera pas de vivre ce que l'humain vit, parce que c'est ça qui se réincarne chez elle. C'est des mécaniques qui viennent du passé, des mécaniques qui ont connu la colère, qui ont connu la joie, qui ont connu l'espoir, qui ont connu... Bon. Alors, la personne, ça c'est un point à faire extrêmement attention. Moi, si j'aurais observé ce que je fus dans ma jeunesse, je serais assis parmi vous autres. Puis c'est lui qui sera à ma place. Je suis pas sûr. J'ai bien fait en maudit de... Non, c'est évident. Mais il faut pas qu'on regarde ce qu'on a fait. Moi, si je regarde ma jeunesse, si je regarde ce que je suis en tant qu'être humain planétaire, c'est sûr que j'ai un autre... Maintenant, je suis totalement changé. Je ne suis pas qu'un être humain planétaire. Mais si je me serais attaché à regarder ça, puis il y a souvent des personnes que je rencontre, puis je leur dis tout le temps, toi, tu sais pas quitter. Franchement, tu sais vraiment pas quitter. Ben, oui, non, tu sais pas quitter, tu te niaiserais pas comme tu te niaises là. Il y a plusieurs personnes qui ont énormément de valeur. Cette valeur, et souvent, c'est ça, on attend. Alors, faut vraiment pas, au niveau de l'ascension ou de la conscientisation, comme la personne, là, bon, se préparer. Il y a plusieurs personnes qui sont totalement prêtes à faire. Il ne faut pas regarder son emploi, où est-ce qu'on est, l'argent qu'on a, comment on est habillé, la longueur de son nez. Faut... Ça n'a rien à voir. Psychologiquement non plus. Moi, mais le monde, il trouve tout que. Le monde, ils vont tout trouver tout que. T'sais? Changer de monde, vous allez voir qu'ils vont changer d'opinion. Fait que l'opinion du monde ne vaut rien. C'est pas un phénomène absolu, c'est un phénomène qui est relatif. Alors, c'est on avance. On ne regarde pas ce qu'on est, on avance. C'est ça qu'il faut faire. On n'aura pas besoin de faire des testaments. Quand tu dis, comme dans la première partie, puis là, tu as répété dans d'autres mots, qu'on peut décider à un moment donné que c'est le temps. Au lieu d'attendre que ce soit le temps. Il y a un problème. Il y a une grosse problématique. C'est que ça va être le temps que tu décides quand ça va être le temps. Quand ça va être le temps que ce soit le temps. Non, ça fait que. Pour moi, c'est un petit peu plus clair. Si j'arrête de fumer demain matin... Tu ne peux pas décider qu'à partir de maintenant, c'est toi qui décides du temps. Quand ça va être le temps que tu décides, là, ça va être le temps de décider. Puis à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir décider que le temps est venu pour appliquer ce que tu as appliqué. Ce qui arrive, c'est que l'humain, il s'essaye, il manque son coup, il arrête d'essayer. À un moment donné, c'est le temps. Il n'essaye pas plus. Parce qu'il sait que ça peut arriver. Fait que là, il se gorge dans la foi, dans l'espoir, puis aidez-moi, puis j'espère que, puis on se fie à la destinée, puis ces choses-là. Alors que tout ça, c'était archangéliquement vrai, puis rendu à un moment donné, au niveau de ta conscientisation, ça devient faux. Puis c'est là que tu descends dans les bas-fonds, souvent, parce que tu ne prends pas ta conscientisation en main. Je parle pas au niveau de l'ego, je parle au niveau du mental. Quand le mental rentre dans la vie, l'astral sort nécessairement. Et là, c'est le temps que tu commences à te grouiller les fesses, mais pas du point de vue égoïque. Bon, pendant un bout de temps, tu as essayé de manipuler les choses, mais c'est l'ego. Et à un moment donné, on se dit, bon, ben quand l'ego finit par s'éloigner, l'ego qui a essayé de manipuler au complet, quand il se rend compte qu'il ne peut rien faire, il finit par se dire, bon, ben on va revirer de bord, puis on va dire... Bon, ben ok, je vais attendre après la destinée, ou encore, je vais faire les voies de mon père, ou etc. C'est là que se passe plus rien. Là, il risque de descendre très loin. C'est là que c'est le temps qu'il commence à appliquer. Oui. Il y a une chose qui m'a fait bizarre l'autre fois encore, j'écoutais un télévangéliste au Nouveau-Brunswick. Oh, il parle de choses, pas là qu'il y a un accent, mais... Et puis, par rapport que là-bas, il y a des choses qui courront dures. Et puis... Il dit, Dieu a tant et tellement aimé l'humanité qu'il a donné son fils unique. Torieux! Quel genre de père que c'est ça? Il n'aimait pas son fils. Fallait qu'il n'aime pas son fils. J'ai tellement aimé mon chien que j'ai donné mon fils unique à bouffer. Puis nous, on est là pour dire, hey, c'est vrai, Dieu, c'est l'amour pur. Torieux! Il y a un problème. Thank you. Un nouveau problème, en tout cas. Continue. Est-ce que certains individus du groupe des chefs devront vivre des fusions entre eux avant que le Graal puisse s'exprimer? Oui, non. Il y en a qui vont vivre des fusions entre eux, mais le Graal va s'exprimer avant ça. Par contre, c'est évident qu'il doit y avoir une fusion au point de vue des canaux qui réunissent certains individus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une homogénéité au niveau de l'expression énergétique qui devra s'établir en certains individus du groupe des chefs avant que le Graal s'exprime d'une façon, diamantaire. Tangible. Ouais. Mais c'est très, très, très près. Très près. Est-ce qu'ils sont au temps ou ils peuvent décider que c'est le temps? C'est très, très, très, très près. Une question à proposer. Oui, il suffit qu'on dise oui pour que les égos se contentent. Ouais, c'est ça, c'est pas ça. C'est une question à proposer. Oublie ça. D'où vient l'ego et qui l'a créé? Bon, je vais résumer, puis après ça, si on a du temps, on pourra revenir un petit peu. Plusieurs conférences que j'ai faites sur le sujet, en l'occurrence le rôle de l'ego, ces choses-là. C'est assez complexe à répondre parce que rien n'a créé l'ego. L'ego, c'est une mécanique expérientielle, ça veut dire que c'est le temps qui crée l'ego. L'ego, c'est de la mémoire. Alors, quand l'enfant vient au monde, il n'a pas d'ego. D'ailleurs, il ne s'identifie même pas à lui. Il ne dit pas Daniel, il dit pas j'ai faim, il dit Daniel a faim, Daniel veut ceci, Daniel veut cela. Bon, puis rendu un certain âge, il a suffisamment accumulé de mémoire. Les mémoires finissent par s'agglomérer lentement, se collent chez elles dans son âme, puis lentement, il y aura une centricité qui va se faire, puis là, l'enfant va commencer à avoir un ego, puis l'ego va commencer à s'exprimer, puis nécessairement, l'enfant va passer de la phase impersonnelle à la phase personnelle, où il va commencer à dire « j'ai faim, je veux plus, je ne veux pas cela, je veux ceci ». Puis progressivement, à force d'accumuler de l'expérience, à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, l'ego prend un peu plus d'ampleur. Puis à l'adolescence, parce que là, à l'adolescence, il y a une descente accrue de mémoire réincarnationnelle d'adultes qui veulent voler, violer et piller le corps de l'enfant qui commence à être capable de sécréter des hormones à caractéristiques sexuelles. Alors, les mémoires d'adultes qui se réincarnent 24 heures sur 24 chez l'être humain vont maintenant, avant l'adolescence, des mémoires de jeunes qui se réincarnent là-dedans. Puis à un moment donné, des mémoires d'adultes qui se réincarnent pour posséder le corps de façon à pouvoir jouir d'un corps jeune au niveau endocrinien, au niveau sexuel, jouir simplement de la vie. Et là, l'enfant vit une crise totale d'identification, puis là, normalement, l'ego va devenir encore un peu plus puissant. Chez l'enfant Teflon, on a des nuances au niveau de l'ego, mais donc, grosso modo, l'ego, c'est simplement cela. Et l'ego, ce n'est pas l'humain. Par contre, l'ego, c'est la mémoire de l'esprit chez l'homme ou chez la femme et chez l'enfant. Donc, l'ego, c'est de la mémoire d'instantanéité. Et parce que l'être humain est biologiquement un être mémoriel, parce qu'il vit dans un cadre totalement sujeté au phénomène du temps, le passé est extrêmement important pour lui parce que le passé, c'est finalement son ego. C'est toute l'histoire de la création de son ego, ce qui fait que l'humain reste mémoriel. L'humain se rappelle du bon vieux temps, là où l'ego vivait des choses. Puis, il y a plein de choses qu'on pourrait dire là-dessus, mais grosso modo, c'est comme ça. Et progressivement, à travers l'histoire, l'historicité théologique de l'humain, c'est l'homme, c'est la femme, c'est l'enfant, qui a créé les dieux dans le monde astral, les dieux du ciel, qui sont des dieux créés à l'image et à la ressemblance de l'homme. Alors, grosso modo, là, l'ego, c'est ça. Au cours d'une expérience psychotique complexe, quelqu'un croit avoir vu Lucifer et lui avoir destiné des clés de son âme, par un jeu de symbolisme rusé. Ira-t-il en enfer? Première question. Bon, ça, c'est le genre de question qu'on ne me pose pas parce qu'on ne veut pas entendre la réponse. C'est le bon. La personne ne veut pas le savoir? Non, la personne ne veut pas le savoir. Oh, le mental, il veut le savoir. L'ego veut bon, le savoir. Bon, l'autre question, on veut le savoir. La personne, elle n'a pas... Passer? Un instant. La personne, elle n'a pas à aller en enfer. OK. Qu'est-ce que l'enfer? Y aller ou qu'il n'y aura pas. Qu'est-ce qu'en faire? Qu'est-ce que l'enfer? Alors, on ne peut pas ça. Qu'est-ce que faire de cette réponse? Qu'est-ce qu'en faire, maintenant qu'elle fait ça? L'enfer, c'est deux choses. L'enfer, c'est la mémoire astrale de l'époque où la Terre s'est refroidie. C'est-à-dire que l'astral, c'est l'enfer, c'est mémorisé dans à partir du centre de la Terre jusqu'à quelques pieds à la surface de notre monde. C'est la mémorisation, c'est la mémoire dans les annales akashiques, dans le ciel, de l'époque où la Terre était une boule de feu, puis où elle se refroidissait. Pour l'humain qui est spirituel, il va donc penser que c'est des feux éternels dans lesquels les âmes vont se promener, et puis ça ne s'allonge pas. Bon. L'autre enfer, pour l'être humain qui se conscientise, c'est lorsqu'il va pénétrer dans le ciel avec sa conscience. Il va se rendre compte du mensonge cosmique, ça, c'est l'enfer. Et il y a un troisième enfer, parce que faut pas que ce soit simple. Quand un être humain meurt, son âme gagne le monde, le plan moronciel, c'est-à-dire que c'est une région avant de gagner le monde de la mort. Et ce qui va arriver souvent, c'est que la personne ne sait pas encore qu'elle est morte. Très rare les individus qui savent qu'ils meurent quand ils meurent. Il faut réellement qu'elle soit en train de mourir, qu'elle le sache, etc. Mais quand ils meurent dans la nuit, sur une table d'opération, d'un accident, etc., ils ne savent pas. Et là, la personne, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle pense qu'elle est morte, qu'elle sache ou qu'elle ne le sache pas, elle va essayer de revivre ce qu'elle vit normalement. Alors, elle va, par exemple, rentrer chez Dunkin' Donuts, disons que c'est un policier qui est mort. Alors, il rentre chez Dunkin' Donuts, et puis là, il voit un beigne, puis là, il veut manger le beigne, puis il ne peut pas toucher au beigne, puis il ne peut pas manger le beigne, c'est l'enfer. Je pensais que j'étais pour dire, là, il faut qu'il paye, donc là, c'est l'enfer. Ah, il paye même pas. Mais moi, j'ai déjà dit que l'enfer, c'est un grand terrain de golf où il n'y a pas de balle, de golf. Et c'est l'enfer. Parce que finalement, l'humain ne peut pas toucher. Alors, l'alcoolique, il va souvent en enfer, il va dans la taverne, il va un peu partout, il veut boire, il ne peut pas boire. Normalement, il va essayer de posséder quelqu'un qui boit, puis la personne va boire de plus en plus, il va essayer de venir habiter son corps pour être capable de goûter. Ça, c'est la phase purgatorielle infernale, ce que dans la théologie, on va décrire comme la partie, disons, on parle de purgatoire à cette époque-là, mais ça reste quand même relativement infernal. Ça, c'est les trois types d'enfer. Le mot, on pourrait, disons, former trois nouveaux mots pour spécialiser les définitions, mais là. Fait que l'enfer, quand tu meurs, c'est de trouver le bon enfer. Ouais, ça, c'est pour les gars compliqués. Peut-on en sortir d'un pacte avec Lucifer? Ben, premièrement, Lucifer, là... C'est pourquoi c'est... pas Satan, c'est Lucifer. Ouais, mais on peut faire un pacte avec Satan, on peut faire un pacte avec Ahriman, on peut faire un pacte avec Lucifer, on peut faire un pacte avec soi-même, on peut faire un pacte avec Dieu, on peut faire un pacte avec... En tout cas, il est plein. Est-ce qu'on peut se sortir d'un pacte avec Lucifer? Parce que la réponse est oui, puis la réponse est non. Mais je suis de laquelle tu veux la barre? Ou non? Oui. Comment s'en sortir? Ailleurs, je suis là. Bon. Je change d'idée, moi aussi, des fois. C'est correct. La majorité des humains ne peuvent pas s'en sortir pour la simple raison que la majorité des humains sont totalement centrés dans leur astral, dans leur ego. Puis c'est l'ego qui fait un pacte avec Lucifer, fait que normalement l'humain s'en sort pas. Fait que s'il sort de son ego, il n'y en a plus de pacte. Voilà, c'est la réponse ou non. Maintenant, si l'être humain se conscientise, probablement qu'il y a une partie de lui un jour qui devra décoller au complet, mais ça va... Ça peut. Encore là, il faut voir si le pacte a été reconnu et accepté par Lucifer. Par rapport à ça, un pacte fait avec Lucifer, ça va régler toute une partie des problèmes. S'il n'y a pas été signé de votre sang, il ne vaut rien. L'âme s'exprime dans le sang, puis la signature astrale dans la matière, c'est le sang. Alors que tu fasses un frère de sang, que tu fasses différentes choses, ça fait qu'en partant, puis la personne ne l'a pas fait ça. Les premiers endossements sur les prêts ont été faits comme ça. Elle n'a pas su faire. Les premiers endossements sur les emprunts étaient faits comme ça. Mais oui. La personne signait. Moi, mon père tuait l'autre aussi quand il remboursait. Fait qu'il avait pas besoin, il avait pas besoin de prendre de collatéral, de prendre la maison garantie. Mais non, tu avais son arme. Peut-on en sortir? On l'a demandé. Qu'est-ce qu'un pacte avec Lucifer? Qui est Lucifer? Bon, Lucifer, c'est le père créateur de la race humaine. C'est Lucifer. Chaque être humain est investi dans son ego, dans son âme, d'une partie luciférienne. Puis Lucifer, c'est le terme étymologique veut dire porteur de lumière. La théologie l'a débilité énormément, mais c'était essentiel à l'époque. C'est encore essentiel aujourd'hui que Lucifer reste relativement bas au niveau de l'impression émotive des êtres humains. Lucifer, son rôle, simplement, c'est d'implanter dans la structure astrale, en attendant que l'esprit descende, donc en attendant que l'intelligence finisse par se réveiller chez l'humain, Lucifer devait implanter une mécanique mémorielle qui obligerait l'âme humaine à tout faire pour rejoindre le point source, Dieu. Parce que c'est extrêmement puissant, tous les humains se suicident. Et là, on va implanter une partie sataniste, les gens appellent satanique, disons, une partie sataniste qui, elle, va faire en sorte d'orchestrer l'âme humaine pour qu'elle finisse par aimer la matière et le sexe. De ce fait, l'humain voudra absolument mourir, évoluer, rejoindre Dieu, puis en même temps, il ne voudra pas quitter la matière, quitter son plaisir. Fait que l'humain commence à être pris entre deux feux, mais l'humain devient un être capable d'être terrestrifié, tout en n'oubliant pas son origine. Parce que la puissance luciférienne est extrêmement grande, puis parce que l'humain, au fur et à mesure de son évolution, a commencé à toucher l'Esprit Saint, l'intelligence supramentale, il a fallu à un moment donné qu'on rajoute, pour aider Satan, la partie arimanienne planétaire. C'est, Ariman va s'occuper surtout du luxe, de la luxure. Et à un moment donné, on va rajouter des incubes et des succubes au niveau des plans astraux pour manipuler sexuellement les individus. En tout cas, toute une mécanique qui va se ramasser là-dedans. Uniquement pour qu'on puisse avoir, dans un monde refroidi, un corps physique animé par la vie, un corps vital, avec une âme capable de mémoriser de l'expérience pour préparer le corps astral, qui à un moment donné sera capable d'engendrer un légiférateur qui est le corps mental. Puis là, nous autres, les esprits, on va être capables de venir descendre là-dedans. En attendant, l'âme est au courant de ce que nous sommes, uniquement en mémoire. Puis présentement, l'humain est très mélangé parce que l'humain ne sait jamais si il pense, donc c'est l'astral, la mémoire, la copie conforme de lui qui s'exprime dans sa tête, ou si il parle, si c'est lui qui vient communiquer. Alors l'humain est mélangé là-dedans encore, pour ceux qui se conscientisent, ceux qui transitent, et ça va finir par s'éclaircir à un moment donné. Alors Lucifer, Ariman, Satan, c'est ça. Sur nos plaques d'immatriculation, c'est marqué « Je me souviens ». Ah oui, mais on ne sait même pas de quoi aussi. Est-ce qu'on se souvient de par rapport à Lucifer ou par rapport au Graal, qu'on se souvient qu'il y a un roi ou on se souvient qu'on devrait se souvenir de quelque chose? Ça vient d'où, « Je me souviens » Je me souviens plus. Les gens, ils s'en rappellent même pas qu'est-ce que « Je me souviens de quoi ». Je me souviens. De quoi on se souvient au Québec? Je ne sais pas. Je me souviens. C'est qu'un jour, il devra se souvenir. Je me souviens plus, mais on va revenir. C'est ça. Mais tu as touché le point juste. Et ça a effectivement rapport à son passé. Y a-t-il des damnés? Uniquement par l'humain. Oui. Et sommes-nous tous sauvés? Non. Ça, c'est la réponse qu'il faut dire non. Parce que quand on dit oui, le monde, ils font plus rien. Fait qu'on dit non. Tout le monde travaille. Non, même. Daniel, les skinheads, je sais pas s'ils parlent de toi, là. On va voir, continue. Ben, c'est marqué Daniel, les skinheads, genre. Les skinheads au Québec ont-ils un rapport avec le Graal, en référence au Chevalier Noir? Les têtes de peau. Attends de voir le carbone qui t'attend. Quand ma perruque va tomber. Oui. Bon, c'est extrêmement intéressant le phénomène des skinheads puis tout ce qui se rattache de près ou de loin à ça. Ce sont effectivement des réincarnations de chevaliers. T'es déjà en état? Non, moi j'étais le chef. Ce sont des réincarnations de chevaliers. Ce sont des réincarnations en majorité s'ils vont exprimer des mécaniques de chevalerie. Rapport avec le Graal, pas tous. Oui. Mais les chevaliers noirs qui ont amené le Graal ici, c'était des chevaliers. C'était des grands, c'était des initiés, disons, des mystères de l'ordre du temps. C'était pas des initiés au niveau cosmique. C'était des chevaliers noirs parce qu'ils s'habillaient de noir pour un paquet de raisons, parce qu'ils captaient l'énergie de tout ce qui les entourait, le noir étant ce qui absorbe au niveau du vêtement. C'était habillé en blanc à l'intérieur pour réfléchir la chaleur. Alors, ils pouvaient donc vider énergétiquement les agresseurs alors qu'eux conservaient un pouvoir sur eux autres. Les Skinheads ne réincarnent pas les chevaliers, disons, noirs de l'Ordre du Temple qui ont mis certaines choses ici. Ce sont des chevaliers. La majorité des Skinheads réincarnent les chevaliers. Et la majorité des Skinheads réincarnent en même temps la chevalerie reliée à la Gestapo, qui, eux aussi, réincarnaient des ordres religieux de chevalerie du passé. Il y a eu les Teutoniques, il y a eu les Templiers, évidemment, il y a eu une partie les croisés, puis il y en a eu un paquet d'autres. Alors, les Skinheads, c'est une réincarnation très allemande, atlantéenne, et nécessairement, il y a des mécaniques de chevalerie à l'intérieur, et étant donné que ce sont des chevaliers qui ont perdu leur roi, ils se réunissent en bande, puis ils vont essayer de retrouver quelque chose. T'sais. Ils essayent d'appliquer le « je me souviens », mais ils ne s'appellent pas de quoi encore. Alors, ils vont faire des choses. Il y a eu un clan qui s'appelait à l'époque les assassins, d'ailleurs, c'est de là que vient le mot assassin. Ça aussi, c'était comme une bifurcation. C'est un peu la même chose. Sauf qu'eux autres, pour arriver à évoluer, il fallait absolument qu'ils trentent quelqu'un. Un touriste. Alors, quand on c'était vraiment touriste d'aller là-bas. Ça prenait une assurance touriste. Non, absolument. C'est dû à quoi le vertige? C'est dû à une instabilité de l'ego. Et voilà. Ça peut être réincarnationnel aussi. Les égos sont réincarnationnels. Question idiote, réponse. Je sens une fermeture. Je sens une fermeture intérieurement. Je sens un étouffement sur mon corps. C'est très fort en moi. L'ego est fort. La personne, elle devrait apprendre, elle devrait faire ceci. Absolument, quand je donne rarement des conseils, les gens ne les font pas. C'est pour ça que je les donne, il n'y a pas de danger. La personne, elle aurait intérêt à faire du yoga. Ou de la démarche flottante, si elle fait le PMC, elle aurait intérêt à pratiquer un peu plus sa démarche flottante droite. La personne, elle a intérêt à développer son équilibre. De quelle façon l'exercice du facialateur peut instruire l'ego afin que ce dernier aille dans le sens de l'intelligence? Très, très facile. Très bonne question. Là, je n'expliquerai pas la technique du facialateur, ça on l'a expliqué au niveau dernier PMC+, puis c'est un petit peu long. Mais quand même, donc très rapidement, ce qui arrive, c'est que l'ego est rarement au courant des problèmes qui l'habitent. Et ce qui va arriver, c'est qu'avec la technique du facialateur, on est capable d'instruire totalement l'ego d'une chose, parce que l'ego est totalement instruit d'une chose, subitement l'ego nous autorise à en parler, puis automatiquement par la parole, on vient tout replacer les choses au complet, l'ego est totalement défait par la parole, parce que là, c'est l'intelligence, c'est exactement comme lorsque l'ego est d'accord et au courant et d'accord d'une problématique, il ouvre une porte, l'intelligence descend là-dedans immédiatement, puis c'est réglé. C'est pourquoi qu'en vérifiant une des particularités, avec la technique du facialateur au niveau de l'ego, même l'individu qui veut se mentir a pu finir, il ne peut pas avec cette technique-là, il est fait. Alors, nécessairement, il faut qu'il soit un être qui veut se conscientiser pour accepter au minimum de faire l'exercice. Et puis, on peut vérifier les différentes choses. Puis, quand c'est vérifié, l'individu en est conscient, l'individu commence à en parler, il en parle dans sa tête, il parle avec d'autres, et puis, c'est pas long que toute cette partie-là va totalement se régler. Comme c'est l'ego, si la personne le fait, il faut absolument le faire à deux. Parce que si la personne le fait tout seul, elle va se poser des questions qu'elle veut se poser. Exactement. C'est donc préférable de le faire à deux. C'est pas nécessaire. Tu peux te poser tes propres questions si tu veux, là, mais c'est bon de le faire à deux. Mais ça irait moins loin. À deux, l'avantage que tu as la désinhibition, tu as la confirmation, tu as la transparence qui est obligatoire, puis en même temps, tu as le dialogue qui va s'installer, c'est-à-dire que tu es capable de parler et non pas de risquer de penser que tu parles. Donc, de penser, tu es capable de parler. En plus, si tu fais ça avec une personne qui est suffisamment transparente avec elle-même, si tu te fais encore un petit peu avoir par ton ego, elle va être capable de te réajuster. On reprend le facialateur pour vérifier, pour confirmer. La technique du facialateur, c'est une technique de chirurgie astrale extrêmement intéressante parce que c'est ça permet d'aller, d'éliminer progressivement des particularités du corps astral, c'est-à-dire de l'ego, qui nuit, qui empêche, et on règle un paquet de problématiques. En plus, ça vient régler, ça permet la digestion des personnalités réincarnatives qui nous écœurent et qui nous niaisent souvent, qui nous empêchent d'être ce qu'on est nous-mêmes. Hein, vous voulez sourire, vous n'êtes pas capable. Ben, à un moment donné, on va juste tripoter les petites bebelles, puis subitement, ben voilà, tu commences à sourire tout seul, c'est instinctif, ça, c'est correct. On vient de régler une partie qui t'empêchait de le faire. C'est une chirurgie astrale douce, très efficace, et en même temps, ben, ça peut nous permettre de digérer des phénomènes réincarnationnels qui nous nuisent. Y a-t-il un endroit où on peut se faire enseigner l'art d'aim? Pas pour l'instant. Ça va probablement revenir. L'ordem, c'est l'entraînement de l'intelligence en mouvement, d'un art martial qui a été mis sur pied par l'Académie PMC. Le groupe des chefs le pratique un peu. Probablement, à un moment donné, qu'il va y avoir quelque chose, dont une possibilité que ce soit enseigné un peu plus vaste, d'une façon plus vaste, mais pour l'instant, pas encore. Je me pose des tas de questions et je ne peux rien répondre. Pourquoi l'homme a-t-il un mental qui pose une infinité de questions auxquelles il ne peut répondre? On peut juger de la qualité évolutionnaire d'un individu en fonction de sa capacité à supporter son ignorance. Quand une personne se pose plein de questions et ne souffre pas de ne pas avoir les réponses, elle est solide. Quand une personne se pose des questions et ça crée la fièvre de l'évolution, la personne elle a intérêt à faire certaines petites choses. Une question, qu'est-ce que c'est? Très brièvement, vous avez une livre de beurre, ou de marguerite, bon, on dit du beurre. Et l'intelligence prémentale, tous les individus sont reliés à de l'esprit, c'est comme une tige de métal qui est chauffée. La tige de métal, qu'est-ce qu'elle fait? Puis elle est colorée, elle est peinture en rouge. Elle est colorée en rouge, avec du colorant. La tige de métal, elle descend, c'est de l'énergie. L'ego, l'âme, psychologie, c'est le livre de bar, donc le cube de bar. Et la tige, elle traverse le bar, traverse au complet, puis continue. Qu'est-ce qui reste? Bien, il reste dans l'ego un trou. Le trou, bien, le trou, nécessairement, il y aura la forme de la tige, puis il y aura la coloration de la tige. La forme du trou devient la question. L'ego, il veut savoir qu'est-ce qui manque maintenant chez lui. Alors, le trou, c'est la question. Avant qu'il ait la réponse, il n'y avait pas la question. Exactement. La réponse, elle était là quand il avait la question, mais parce que l'humain n'est pas suffisamment spontané, il a voulu mémoriser la question, c'est-à-dire le contour du tube, puis la tige, quand la tige est passée au complet, bien là, après ça, vu qu'il est mémoriel, c'est prendre un petit laps de temps, puis là, il se dit, bon, bien, c'était quoi? Alors, la personne, qu'est-ce qu'elle fait, c'est qu'elle va partir en quête. Elle cherche quelque chose à mettre là-dedans. À un moment donné, on peut mettre, dans la majorité des questions que l'humain va se poser, c'est des questions existentielles. Et l'amour peut boucher à peu près tous les trous, Dieu peut boucher à peu près tous les trous, mais il y a des petits trous qui ne sont pas bouchés. Puis quand l'être humain commence à se conscientiser, il finit par se rendre compte que ce qui bouche normalement le trou n'est pas le bon morceau de casse-tête qui va là-dedans, ce qui fait qu'il refusera. Et c'est là que le mental va commencer à refuser les réponses dans le genre « va te coucher ». Non, les voies de Dieu sont impénétrables. Première chose. Alors, lentement, le mental rejette ce genre de réponse-là et le trou reste. Là, ce qui va arriver, c'est que pourquoi moi, je suis capable de répondre, par exemple, à n'importe quelle question quand elles sont posées convenablement. Et c'est quoi poser convenablement? C'est simplement que tu vas prendre la forme de ton trou, tu vas être capable de le recréer, hein? Puis ça, c'est au niveau vibratoire, tu le dis avec ta parole ou en l'écrivant. Et moi, ce que je fais, c'est que un de mes ajusteurs de pensée prend simplement le canal que tu viens de m'amener, il se connecte dessus, puis il va le brancher à sa source. Donc, automatiquement, je réponds. Mais si la question est mal posée, je vais te dire, ben, repose-la, phraséologise-la d'une autre façon. Qu'est-ce qui déterminerait qu'elle est mal posée? C'est que la forme de la question ne serait pas claire? C'est que la personne va nous donner une partie de la mémoire du trou, une partie déformée, deux, trois trous mélangés ensemble. C'est la réponse mélangée avec la question. Ça. L'être humain qui est spontané, quand ça passe, il sait. Pourquoi? Parce que la tige, en même temps que ce qu'elle va laisser, est là. Et pourquoi le temps arrange tout, c'est que lentement, la livre de bord a fini par s'écraser un petit peu, ça replace différemment, il y a de l'expérience qui rentre, on finit par colmater suffisamment le trou, mais jamais complètement, mais suffisamment souvent. Alors, c'est ce qui va créer la question. L'humain, il se dit pas, tiens, je vais poser une question, non, ça passe. Pour que ça passe, l'humain n'est pas le créateur des questions. Il n'est pas non plus le créateur des réponses. Si on est très éveillé, bon, on a les deux en même temps. Quand on est très éveillé, ce qui arrive, c'est que, en tout cas, là, un intervieweur qui ne serait pas correct. Il me poserait des questions comme ceci. Il dirait, Daniel, ouais, effectivement. Mais tu sais, ouais, c'est un bel allure. Oui, c'est ça, il ne pourrait pas poser de questions, il y aurait une réponse. Il est obligé de poser des questions. Puis moi, je réponds. Pour qu'on puisse faire quelque chose d'autre. On l'a déjà fait au restaurant, c'est puis. Ouais, je sais, mais le monde à côté, il était capable de gérer. On faisait juste se dire, ouais, c'est ça, je le dis. Ah ben, c'est ça, je pensais. Même aussi. La fille à côté, qu'on peut me dire. Je me pose des tas de questions et je ne peux me répondre. Ah non, c'est la même. Tu vois. Je vois tous les humains dont l'ignorance, dans l'ignorance de leur être. Comment puis-je développer le savoir? Il faut cesser de regarder les humains dans l'ignorance de leur être. Vous allez déjà être sur le chemin pour développer votre savoir. Quel sera le déroulement de la redécouverte du Graal? Et quel sera le déroulement de l'éclosion des chevaliers réincarnés? C'est très, très problématique à en parler. Pourquoi? Parce que la seule vision historique qu'on peut retrouver pour donner l'idée de ce que va être le Québec, c'est l'Allemagne d'Adolf Hitler. Sans la guerre, sans la Gestapo, sans les sociétés secrètes noires, alors, si j'élimine tout ça, la personne va dire, ben, il ne reste plus grand-chose. Oui, il reste la ferveur, la science, le contexte pré-mental, parce que les Allemands, c'était totalement génial. Ils ne le sont pas encore. C'est un petit peuple banal, oublié. Ésotériquement, le Québec est très connu. Hein? Il y a des pays qui en ont peur aussi. D'ailleurs, Adolphe, il voulait venir conquérir le Québec. Hein? J'en ai déjà parlé. Il parlait d'Hyperborée, lui. Et le Québec, à un moment donné, au niveau de la communication, au niveau de la science humaine, psychologie, au niveau de la gestion d'entreprise, au niveau financier, au niveau... Il y a un paquet de niveaux, et c'est là qu'il va commencer à éclater, puis il va finir par avoir une emprise colonisatrice aussi grande que la peur a colonisé le monde à l'époque d'Adolf Hitler. C'est l'intelligence du Québec qui va se répandre comme la peur d'Adolf, la peur du Troisième Reich s'est répandue. Alors, ça ne sera pas noir, ça va être blanc, mais ça l'aura du point de vue de l'expansion ou de la grandeur. J'ai un phénomène similaire à la peur qui s'est répandu sur la Terre avec Adolf Hitler. Au moment de la table ronde, c'était le rejet aussi. Comme Perceval, à un moment donné, il arrive à la fin. Il est presque arrivé au Graal, il n'est pas capable. À la fin du film? Oui, à la fin de sa quête. Puis là, il rencontre Lancelot, il pense que Lancelot va l'aider, ça y est. Ah, Lancelot, il garoche à l'eau. Il lance à l'eau. Oui, c'est sûr, Lancelot. Puis là, il se ramasse tout seul. Là, je suis seul, je suis dans la rue, il ne me reste que l'espoir. Je suis là. Mais il a fallu qu'il perde. Est-ce qu'il va falloir qu'on repasse par ça? Je veux dire, tout perdre, les amis. Quand l'humain résiste, le mot t'a dit problème, c'est qu'on résiste tous, puis à des niveaux différents, à ce qu'on est. C'est le problème. Vous avez le goût de dire à quelqu'un quelque chose, vous êtes planté. Vous avez le goût de faire, vous êtes planté. Vous vous habillez d'une certaine façon, puis là, vous êtes plus sûr, c'est le même, vous sortez. Toujours pas par rapport à nous autres. L'humain est tellement, tellement... L'humain passe 99,9% de sa vie à vivre uniquement en fonction des autres. Bon, j'ai peur de faire mal, j'ai peur de les insulter, j'ai peur qu'ils vont me juger, j'ai peur... Uniquement. Bien, c'est ce qui est arrivé avec Perceval, il a fallu qu'il ôte son armure, il s'est tout rouillé, il s'est ramassé tout nu devant le Graal, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'il y avait? Juste l'espoir, mais l'espoir, en réalité, c'est l'ego qui parlait simplement de, tu sais, c'est ça, c'est la foi, donc l'ouverture. Il y avait que ça. Bon, c'est pas nécessaire qu'on se ramasse jusque-là. Il faut qu'on se ramasse. Le Graal, c'est la richesse. Alors, l'humain n'a pas besoin de trouver la pauvreté pour, après ça, par différence de potentiel, reconnaître la richesse. Puis la richesse, c'est pas le luxe. La richesse, c'est pas la capacité de dépenser pour sécuriser nos égaux. La richesse, c'est même pas le compte en banque qui monte seul. La richesse, on l'a vu, c'est le temps et l'argent. Mais donc, l'argent, c'est la matière. Mais la richesse, c'est l'intelligence. C'est... L'humain doit s'arranger pour devenir riche, puis ça on va y voir. L'humain doit s'arranger, la mécanique de richesse, temps et argent, c'est le baromètre le plus impeccable pour vérifier ta capacité de pureté. Alors si tu as plein d'argent, mais tu n'as pas le temps, tu n'es pas dedans du tout, il y a plein de choses à changer chez toi, tu n'es pas dedans. Ta vie ne sert à rien. Si tu as bien du temps, mais tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas rien faire. C'est pas ça non plus. C'est ni un ni l'autre. Pas de temps, pas d'argent. T'es mort. T'es mort. Ouais, là, au moins, tu collectes ton assurance vie. Fait que là, tu commences à avoir du temps, puis tu vas avoir de l'argent. Vous voyez pourquoi c'est moi qui réponds aux questions. C'est préférable que c'est moi qui réponds aux questions. Bon, quel sera le déroulement, tu as répondu, ça? Du groupe des chefs. Le groupe des chefs. Pour le... Non, tu as répondu. Lazare est-il au Québec? Ça, pourquoi j'ai répondu? Si Lazare est au Québec. Par la mort. Oui, je sais. Lazare est réincarné dans 13 personnages présentement, dont 12 sont des personnages possédés. Alors, mais Lazare lui-même n'est pas au Québec présentement. Sinon, où est-il? Question 2. Il est ailleurs. Il est aux États-Unis. Où? Est-ce qu'il y a une rue qui commence par Wall Street? Bon, présentement, il est en Arizona. Il doit être en voyage. Il est en voyage. Il s'occupe des choses de la Terre. Ouais. Des ressources naturelles de la Terre? C'est ça. Ce que je dis, il est en voyage. Oui, évidemment, parce qu'il est effectivement Wall Street, puis lui, c'est... Il, y a même il appartient une, à tout. Il y a même une firme, une maison de courtage qui s'appelle Lazare et Frères en français, à New York. Mais c'est sûr. Puis ils sont riches, tu veux. L'âme, l'ego, est physiquement située où exactement? C'est bien dit, presque. On recommence ça parce que moi, là, je n'ai rien dit, mais tu as pensé à tabarouette. Je pense pas. L'âme, l'ego, est physiquement située où exactement? L'âme, c'est paramétré par une enveloppe d'énergie vitale, puis l'énergie vitale, c'est l'énergie intratomique, ça veut dire que toute l'énergie qui permet l'agglomération des particules subatomiques, qui permet même la création, la vie, on peut, c'est quasiment virtuel, des particules subatomiques, donc les quarks en mécanique, disons, on dit protons, neutrons, électrons, finalement, les molécules, le corps physique au complet, c'est de l'énergie intra-atomique qui maintient ça ensemble, des forces magnétiques fortes, faibles, etc. Ça, c'est l'énergie vitale, c'est l'âme. Donc, le corps physique au complet devient l'âme. L'ego, lui, va se centrer beaucoup plus, il reste centré au niveau de l'âme, il se centre beaucoup plus au niveau de l'hypothalamus, du thalamus et de l'hypophyse. L'ego est surtout centré là. Et c'est pourquoi, lorsque l'être humain regarde quelque chose, il le voit par ses yeux, ça passe à travers le thalamus, et ça s'en va au cortex cérébral pour être analysé par le mental. Mais l'humain, il regarde un arbre, puis il dit « Oh, le bel arbre! » Il ne peut pas voir un arbre, il voit un bel arbre. La première fois qu'il en voit un, il voit un arbre. C'est mémorisé au niveau du corps astral, puis ce qui va arriver, c'est qu'après ça, quand il regarde un arbre, ça passe au niveau du thalamus en premier, puis ça, les liaisons organiques sont faites comme ça. Dans le thalamus, c'est coloré par l'ego, qui l'ego vérifie tout de suite tous les arbres qu'il a vus avant. Puis, ce qui arrive au mental est coloré par l'ego, ce qui fait qu'on n'est pas capable d'avoir une vision claire des choses. On a toujours une vision astralisée, donc colorée. Au lieu de dire, tiens, c'est un arbre, on va dire, tiens, c'est un bel arbre, tiens, l'arbre est laid. On regarde quelqu'un, on dit, y a-tu vu la face? C'est toujours en comparaison. Et là, ce qui va arriver, c'est que l'ego, lui, s'exprime par le biais de l'hypothalamus. Ben, c'est ça. Et l'hypothalamus va contrôler l'hypophyse, qui est la glande de chef d'orchestre du système endocrinien. Et c'est par le sang, qui est le conducteur des hormones, que l'âme s'exprime, que l'ego, finalement, s'exprime à travers le corps physique. C'est pourquoi l'enfant vit les émotions de sa mère, il est nourri par son sang. C'est pourquoi on va... Les témoins de Jéhovah ne veulent pas faire de transfusion de sang, parce qu'inconsciemment, ils parlent de transfusion d'âme. C'est pourquoi dans l'Antiquité, on mangeait le cœur, le foie, les réceptacles du sang pour gagner le courage de quelqu'un, etc. L'âme est exprimée là-dedans au niveau endocrinien. Alors, physiquement parlant, c'est là que ça se trouve. Est-ce que si on faisait l'analyse du corps de M. Spock, je ne sais plus quoi, des films de science-fiction, de M. Spock, est-ce qu'il y aurait eu un cerveau avec des connexions différentes, puis que lui, il aurait dit « Ah, un arbre » Parce que dans il y en a une mort, M. Spock. M. Spock. Non, c'est simplement que la planète, on parle théoriquement, n'est-ce pas? Ouais. La planète Vulcain d'où il vient, il n'y a pas d'astralité. Il n'y a pas eu d'astralité. Est-ce qu'à ce moment-là, les connexions cérébrales sont pas faites de la même façon? Ça passe pas par la coloration égoïste. Non, il n'y a pas le même cerveau. Puis les extraterrestres qui ont de l'allure ne sont pas structurés comme l'humain. Par contre, les extraterrestres qui ont de l'allure sont tous en phase d'involution. Ce qui fait que finalement, l'humain est ce qui a le plus d'allure présentement, mais lui est en phase de construction, alors que les autres sont en phase de descente. De démolition. C'est ça. Y a-t-il autant d'ajusteurs de pensée que d'humains? Oui, un peu plus, un peu plus. Plus d'humains ou d'ajusteurs de pensée? D'ajusteurs de pensée. Ils servent à quoi les autres qui ne sont pas connectés? Bien, ils sont tous connectés. Ils sont tous connectés, bien, c'est parce qu'un humain peut avoir plus qu'un ajusteur de pensée. C'est ça. Ah, ça m'a pris du temps, celle-là. C'est ça que je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce toujours le même qui nous revient? Non. L'ajusteur de pensée, c'est... S'il devient personnalisé, il ne vous lâche plus. Mais habituellement, les ajusteurs de pensée sont pré-personnels ou impersonnels, ce qui fait qu'ils ne sont pas attachés à un individu. Ils appartiennent à personne. Alors. Tant que l'ajusteur n'est pas expérimenté, il ne peut pas être personnalisé. Ce qui fait que les ajusteurs appartiennent pas à un individu. Puis quand l'ajusteur est expérimenté et personnalisé, donc quand il est expérimenté, il cesse de niaiser l'individu qui commence à s'épanouir au niveau du contact supramental. C'est-à-dire qu'il lui dit pas en plein milieu de la nuit ce qu'il doit refaire demain matin. Ou des... Vous savez, par exemple, vous êtes couché, vous commencez à dormir, puis subitement, pouf, vous avez la réponse à votre question de v'là 2 ans. Franchement, le cave, tu n'as pas besoin d'admin, là, je suis en train de dormir. Alors qu'il est là. Ouais, lentement, il s'expérimente, on finit par l'habituer. Et une fois qu'il est expérimenté et qu'il est personnalisé, normalement, on se dirige vers le processus de création du double éthérique qui devrait nous amener à un processus de fusion. Donc, normalement, il est attribué à l'esprit qui est maintenant terrestrifié, corporifié, donc à nous autres. Dans la question qu'on s'était posée il y a 2 ans, puis la réponse est mieux passée, là. C'était quoi la question? Ouais. Pourquoi je ne me serais pas posé la question 2 ans plus tard, en même temps que la réponse arrivait? Ben, c'est une raison que la réponse, la question sont passées en même temps que le 2 ans, puis le 2 ans, tu ramasses uniquement les résidus. Puis là, c'est la même... Ben, ton astral, il cherche toujours, même la nuit. Les humains, elles sont toujours inconsciemment stressés. Il y en a qui le sont consciemment aussi. Mais l'ego est toujours stressé. Fait que la nuit, ça continue à chercher. Les rêves, là, que tu penses que c'est, il part en haut, puis il essaie de trouver des affaires pour boucher tout en bas. Il veut régler ses problèmes. Fait qu'à un moment donné, ben c'est ça, il s'en va, puis ton ajusteur, ben subitement, il commence à être énergisé par la question de l'ego. Il va chercher la réponse, il la plante là-dedans. Ton ego est tout éboursouflé, il se réveille. Puis il constate l'affaire. Comment puis-je donner de l'énergie à une personne? Par quel procédé? Bon, ça, c'est bien complexe. Est-ce qu'on doit faire ça? Je vais vous dire ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait, puis vous ferez ce que vous allez faire. On ne doit pas donner d'énergie à quelqu'un qui n'est pas capable de nous la remettre au fur et à mesure qu'on la lui donne. Première loi c'est créer des synergies, pas donner de l'énergie. Celui qui donne se vole lui-même. La synergie, c'est que plus je te donne, plus tu me donnes, puis plus on se donne, plus on a. On grimpe. Donc, il n'y a personne qui perd, les deux gagnent. Et là, il faut faire attention pour ne pas spirituellement se dire « Ah, ben c'est ça que je vais faire, c'est ce que je fais. » Très dangereux. Oui, parce que ça peut ressembler à... Quand on donne, on est heureux égoïquement, ça peut sembler une forme d'énergie, une forme de nourriture, parce qu'on dit... Oui, mais c'est uniquement parce que ton ego est content de s'accoter à un concept, celui de l'altruisme. Ça te plaît. En plus, en donnant, tu peux aussi éliminer une partie de ta culpabilité. Donc, tu te sens bien. Par contre, quand on donne de l'énergie à quelqu'un, c'est parce que la personne en manque. Elle est malade ou elle en manque. Et là, il y a le choc en retour qui est très connu des magnétiseurs. Ils en meurent tous, d'ailleurs. Et c'est assez dangereux parce qu'une personne qui donne de l'énergie, si elle ne connaît pas toutes les lois de la mécanique des échanges d'énergie, on parle au niveau du plan vital ou au niveau du plan astral, elle peut facilement se retrouver avec les problématiques de l'autre. Pas de suite. Mais c'est problématique. C'est dangereux à un moment donné. Donc, c'est une chose. Maintenant, si les deux individus s'aiment d'une façon suffisamment transparente, normalement, disons, un enfant avec son parent, ou bon, chez les adultes, c'est plus rare. C'est moins fréquent, ça se peut. Dans ce cas-là, c'est très facile que le don d'énergie se transmute en synergie. Alors, par exemple, je donne de l'énergie, disons, à mon enfant, mais parce que je m'entends très bien avec lui, ben lui, il m'aime suffisamment, ce qui fait que c'est pas long qu'on commence à créer une synergie, puis les deux vont, on va en gagner tous les deux. Lui, il va me guérir de mes problèmes pendant que je guéris des siens. Et pourquoi ce serait plus difficile avec un adulte? Parce que normalement, les adultes ont trop de carapace, sont pas capables d'être suffisamment beaux, suffisamment transparents pour le faire. Il y a toujours une partie d'ego. Tu vérifierais avec le fasciolateur, tu te rendrais compte que celui qui reçoit, qui est tout content de recevoir, son ego, il veut rien savoir de toi. T'sais? Mais mentalement, il va dire « Ah oui, c'est correct. » Puis son ego veut rien savoir de toi. La personne qui donne, peut-être qu'en vérifiant ce qu'elle recherche, puis là, il faut faire attention, je ne vais pas trop m'avancer non plus, c'est que entre ce qui se passe dans notre caboche et ce qui se passe dans notre ego, c'est deux choses. Moi, je veux l'aider. Là, on vérifie que le fasciolateur, puis on découvre que tu ne veux pas l'aider, tu veux absolument le rendre esclave karmiquement. Fait que si tu y en donnes, il te doit, il y a une dette. Puis là, il finit par être assujetti. Puis la personne va dire, ben voyons, non, c'est pas ça que je veux faire. C'est ça qui est le gros problème. Parce que l'ego nous charrie à travers ce qu'on fait. Alors, il y a plusieurs petits phénomènes, donc, comment puis-je donner de l'énergie à une personne? La meilleure chose, c'est de pardonner. Ou de s'assurer que les deux sont prêts à le faire. Il y a une synergie, puis après ça, il y a des mécaniques. Mais je ne sais pas trop, je pourrais expliquer, mais ça peut être dangereux. Personne ne peut se ramasser avec des problèmes. Puis moi, je ne tiens pas à m'assujettir karmiquement à ces choses-là. Ça se fait, mais encore une fois, la meilleure chose, c'est que si vous vous aimez suffisamment, parlez. Être inconscient, parler, ça ne change absolument rien. Tu sais, il y a bien des façons de le faire, mais si les individus sont capables d'être transparents, transparent, pour moi, c'est de l'amour intelligent. Il n'y a pas de problématique, de toute façon, à être transparent. Y aura-t-il une expédition, un groupe de personnes chargées d'aller au Chic-Choc pour trouver le trésor? Il y a deux autres questions. Ah, il va savoir son nom au téléphone, son adresse. Mais non. C'est le chef d'expédition. Ça va la calore qui part. Ben, c'est ça. C'est... Non, parce que le Graal va venir rejoindre ceux qui, un jour, auront besoin du Graal. La deuxième question, c'était sera-t-il déplacé? Il va se déplacer tout seul, comme la dernière fois? La dernière fois, c'est ça. Il s'est déplacé tout seul, mais il était escorté. C'est ça. Il va-t-il être escorté? C'est une bonne question, ça. Probablement pas, non. Il va s'escorter lui-même. Il évolue, lui aussi. La dernière fois, les escorts ont trouvé ça dur. À quoi servira-t-il? Oui, ces escorts, ils sont tous morts. À quoi servira-t-il quand il va s'être déplacé? À rendre le Québec riche, il va servir à ça. Il y a... Dans... C'est que je veux pas... T'allais dire? Oui, c'est ça, elle a dit plein de choses en même temps, mais c'est parce qu'émotivement, il ne faut pas que les gens récupèrent trop émotivement, parce que les gens finissent, ça c'est toujours inconscient, les égos souvent, c'est qu'ils finissent par spiritualiser les choses qui auront été dites, alors que ce n'est pas des choses à spiritualiser. C'est que d'ici très, très, très peu, il y a des individus qui sont en contact avec la conscience supramentale qui devront commencer à s'enrichir. Et d'ici très, très peu, il y en a qui vont commencer à s'enrichir, puis d'ici très peu, il y en a qui vont carrément s'enrichir. Puis d'ici peu, le Québec va aussi commencer à prendre de l'ampleur du point de vue de la richesse. Puis pour moi, la richesse, c'est toujours le temps et l'argent, c'est-à-dire que c'est la liberté. C'est pas le libre-arbitre, c'est la liberté. Nécessairement, ça implique que l'humain est joyeux, que les choses vont bien. Tu sais, les philosophies, là, ça va trop bien, tu sais, il doit y avoir un pot qui s'en vient, ou encore, oh, c'est trop beau. L'impôt s'en vient. C'est ça, l'impôt s'en vient. C'est trop beau pour que ce soit vrai, ou des choses de même. Ça va finir par l'entendre par disparaître. L'humain va cesser d'avoir peur de quelque chose de beau, étant certain, par l'expérience du passé, qu'on a tendance à être clair de l'autre côté. L'humain va finir par commencer à ramasser, peut-être trouver ça logique et correct de ramasser. Très, très, très peu d'individus vont commencer, ceux qui touchent la conscience supramentale, à s'enrichir. Puis très, très peu, ils vont toucher un peu plus à la richesse. Puis dans très peu de temps, ils vont carrément être riches, comme je te dis. Puis dans peu de temps, le Québec va commencer à grimper. Puis le Graal, c'est ce qui va amener. Daniel, comment fait-on pour discerner entre une pensée et une information? L'information ne se présente-t-elle pas sous la forme d'une pensée? L'information astrale se présente sous la forme d'une pensée. L'information supramentale se présente toujours sous la forme d'une parole. Alors, vous parlez et vous apprenez en même temps, vous vous instruisez. Vous parlez dans votre tête, vous parlez oralement. Dans les petites pages roses du Larousse, là, c'est écrit « De la discussion jaillit la lumière ». C'est ça. En latin, comment il est écrit? De la discussion jaillit la lumière, mais là, je te l'ai traduit pour que tu comprennes. Merci. Tu n'avais pas compris. Il y a le petit Robert, c'est pour ça. Il y avait luxe quelque chose, là, mais c'était le grand luxe. Officiel luxe, ça veut dire lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que l'humain pense, trouve rien. Pourquoi à deux, on trouve plus? Parce qu'à deux, on parle. Et si à deux, on pense tout haut, on chiale, on communique, on bavarde, on trouvera rien. La parole. Et la parole. Tu parles en chinois? Ah oui, moi je parle aussi toutes les langues sauf le chinois. Toutes les langues sont du chinois pour toi? C'est ça. Si tu me parles en russe, le russe est du chinois pour moi. Je parle toutes les langues sauf le chinois. Est-ce que celui qui est le plus le Graal trouvera le trésor des Templiers pour accomplir? C'est vers lui qu'il devra venir. Ça va être le trésor des Templiers qui va trouver l'individu? C'est ça. Tu as dit que l'île d'Avalon n'existait pas. Peux-tu expliquer? Ouais, ben là, on rentre pas dans toute l'affaire, de toute façon, il n'y a rien qui existe, là, mais on va dire que... Donc, dans ce qui existe, là, les choses n'existent pas. L'île d'Avalon, c'est une île près des côtes de l'Angleterre. Et puis, Merlin y allait souvent. Mais elle n'existe pas. Merlin non plus. Ça marche bien. Il allait à la même place. Merlin n'existait pas non plus. Donc, c'est un problème. Est-ce qu'il passait par l'île de Man, pour l'île d'Avalon? L'île de l'homme? Oui. Mais elle n'était pas en arrière. C'était pas nécessaire. C'est un monde parallèle? Oui. L'île de Man existe toujours, évidemment. C'est une île très originale au niveau de l'Angleterre. Mais l'île d'Avalon, c'était à cette époque, comme à différentes époques, puis comme dans une époque à venir très près, il y a des mondes parallèles qui se sont juxtaposés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plusieurs choses qui sont dans nos légendes et qui se passaient dans les deux mondes parallèles, juxtaposés. Et à un moment donné, il y a des choses, les deux mondes vont finir par se dissocier, et on retrouve des ruines particulières reliées à une légende, et il manque toujours des morceaux. On a découvert la table ronde, on a découvert plusieurs choses, alors qu'on n'a pas, présentement on pense avoir découvert la tombe du roi Arthur, mais c'est une légende. Robin des Bois, c'est une légende. Il a vécu Robin des Bois. Il a aidé Richard Plantagenet, Richard Cœur de Lion. Ce sont des mondes parallèles. Il y en a toujours eu. Merlin appartient à l'union des deux mondes. Et l'île d'Avalon est sur un des deux mondes, donc il y avait les Dames du Lac, les Fées. Et à cette époque-là, il y a eu un mélange. C'est un mélange, une juxtaposition. Il y en a eu plusieurs fois dans le passé. Et il y en aura une prochainement, ce qui va permettre à des individus de ne pas vivre l'apocalypse des autres, à des individus de vivre d'autres choses. J'en ai déjà parlé aussi sur une conférence, quand les extraterrestres vont intervenir, mais on ne parle pas d'extraterrestres à moustache, là, on parle pas de... On parle de... Dans le temps de l'île de Vallon, si Merlin, ben Merlin il n'y arrivait pas, mais disons Morgane ou d'autres individus qui voulaient retourner sur l'île de Vallon, il fallait qu'ils atteignent un certain taux vibratoire, une certaine énergie pour être capable de retrouver l'île si on n'y retrouvait pas. Il n'y avait pas d'île. Il retombait sur l'autre île. C'est ça, l'île de Man. Je ne me rappelais plus, j'avais quelque chose en arrière de la tête quand je te posais la question. Ah, Dieu, c'est terrible. Les prêtresses de Vallon ont-elles existé et quel a été leur rôle? Les prêtresses de Vallon avaient le même rôle que toutes les prêtresses du monde, entretenir le feu éternel, parce que si on n'entretenait pas, s'éteignait. Ça a toujours été l'idée. Ils ont été les gardiennes du Graal aussi. C'est ça. Le feu éternel, il est à entretenir ce contexte planétaire. Fait que les vestales d'Avalon, les prêtresses d'Avalon, c'était plus des vestales à l'époque. On garde le mot prêtresse, là, mais prêtresse, ça veut dire petit prêtre. Donc ça se prête pas tellement à la situation. Alors, vestales d'Avalon, le rôle fondamental, ce sont des sirènes. Les vestales de Vallon faisaient plus office de sirène. Puis je ne parle pas d'une sirène d'ambulance ou de police. Je parle d'une sirène comme Ulysse en a rencontré. Avec des grands queues de poisson? Oh, ben c'est ça. C'est que quand tu rencontres une sirène, ça finit toujours en queue de poisson. C'est pas qu'on a des queues de poisson. Les sirènes, c'est ce qui est arrivé à Lanceau. Oui, c'est ça. À plusieurs rôles. Le rôle de la sirène, c'est quoi? C'est de chanter. Puis le chant détournait les marins, puis ça amenait les bateaux des marins sur des récifs, ils coulaient. C'était les premiers naufrageurs, là, c'est des naufrageuses, les sirènes. Et puis, les prêtresses d'Avalon, les vestales d'Avalon avaient le même rôle, c'est-à-dire protéger le Graal, mais faire en sorte que les individus qui ne sont pas purs, lorsqu'ils se pointent là, puissent pas toucher le Graal, puissent pas y arriver. Donc, protéger le Graal en détournant carrément les individus, en les arimanisant. Puis en les amenant vers d'autres choses. Fait que la prêtresse, on pourrait même dire que Morgane est une des très, très, très grandes. C'est pas grande, mais puissante. Vestale de Vallon. D'ailleurs, c'est face à elle que la majorité des chevaliers sont de son conseil né. Parce que quand tu voyais une sirène comme ça, elle était jolie. Fait qu'ils vêtent toujours leur armure. Ils se cassent le nez. Et s'ils regardaient baisser. C'est vraiment pas compliqué, là, le fond. Puis le fait de ne plus pouvoir passer dans ce monde-là, d'un monde à l'autre, ben c'est ce qui a fait disparaître l'île. En réalité, elle n'a jamais disparu. C'est le compte des farces, tout de suite. L'île n'a jamais disparu, finalement. C'est juste la capacité. Non, l'île est toujours là, sauf que la Terre n'est plus là. Voilà, l'île est toujours là, la Terre n'est plus là. Si Morgane revenait comme il était, l'île c'est encore là, ou n'importe quel prêtresse, n'importe qui avait accès à l'île. Oui, le monde parallèle va les mondes vont finir par se regrouper prochainement. La seule chose qu'il y a, c'est que ça va évoluer sur tous les mondes. Fait que l'humain qui se dit, l'île de Vallon peut être là, fait que je vais aller voir, il pourra rien reconnaître. C'est comme de dire Montréal, c'est une grande, grande île, c'est une forêt. Il y a plein d'animaux qui traversent le fleuve Saint-Laurent qui vont là-dessus. Puis les Indiens ne vont jamais chasser sur l'île de Montréal. C'est un sanctuaire. S'ils crèvent de faim pendant l'hiver, là, ils vont y aller. Ils vont chasser au minimum pour vivre. Les Hurons, entre autres, les Iroquois, les Mohawks. C'est un endroit sacré. Bon, l'Indien meurt. Il se réincarne en 1991, puis il vient faire un tour sur l'île sacrée. Oui, ça crée quelque chose chez lui. Il va être brossé comme il faut. Ça crée un choc. Je comprends donc. Alors, c'est un peu la même chose. Lundi, quand les mondes parallèles vont se regrouper ensemble, il ne faut pas les légendes, tout ça, là, on va en refaire d'autres. Hein? La semaine prochaine, le titre de la conférence, ce sera « Ce que le Christ a vraiment dit ». Est-ce qu'on a appris des mensonges? Pas que ça sa conférence tout de suite, mais juste un avant-goût. Le premier évangile a été publié 93 ans après la disparition du Nazaréen. Et on a tout changé, ce qu'il y avait dedans. Alors, on a ramassé des phrases particulières, des choses intéressantes, comme par exemple, le Nazaréen, le Christ, il s'en va tout seul dans le désert, tu sais. Puis là, ils sont trois, ils sont quatre à compter ce qui s'est passé. C'était tout seul, il y a des témoins occultes. C'est ça. Et en plus, dans ces enseignements, il y a sorti énormément de choses qui sont formidablement géniales. La seule chose qu'il y a, c'est qu'ils ont toujours été entendus spirituellement. Puis on va s'amuser à redonner de la valeur espritique à ce qui a été dit par... Ça a été coloré. Oui, c'est par ceux qui écoutaient. Donc, nécessairement, c'est eux qui écoutaient qui ont écrit les évangiles. Il y a eu plusieurs évangiles apocryphes. Il y a eu celle de Thomas qui est extrêmement intéressante, celle de Judas qui est extrêmement intéressante. Apocryphe, ça veut dire que ça n'a pas été publié. Il y en a eu plusieurs autres. Joseph d'Arimathie, Nicodème a fait un évangile. Il y en a plusieurs qui en ont fait une, mais on ne veut pas. Ben, c'est ça. Il y a des choses que le Nazaréen a dit qui sont totalement placées à l'envers. Puis des choses qu'il a dit. Le sermon sur la montagne, c'est très intéressant. En tout cas, on va justement expliquer plus clairement ce que le Christ, donc ce que le Nazaréen a réellement dit. Et on va voir que c'est pas spirituellement, ça s'applique dans nos vies, c'est pas ça du tout, là. C'est qu'il a donné des clés totales pour fonctionner. Un peu comme quand je disais souvent le Notre Père qui est aux cieux, il finit avec le mot Amen. Le mot Amen veut dire ainsi soit-il. Ça, c'est un ordre. C'est qu'il en soit ainsi. C'est pas une commandation. C'est pas. Il a donné énormément de choses qui sont totalement parfaites, mais il faut que l'humain soit capable d'être son seul maître pour arriver à s'en servir. Fait qu'à travers tout ce qui est communiqué au complet, on va s'amuser à en parler. Bon, là-dessus, tant qu'à s'amuser, on va s'amuser aussi à jouer. Bonne semaine.